qu'en es-tu? Eh bien oui, tout peut changer. Bienvenue à l'émission Le Grain de Sable. C'est Jean Cloutier et on a deux invités en studio aujourd'hui et peut-être quelqu'un au téléphone. Alors aujourd'hui, Jérémy Raton-Pauzon, un spécialiste de la cybersécurité. Alors on lui posera quelques questions puisque je pense que c'est un sujet de l'heure. C'est un grain de sable dans notre société. Vous savez, quand on prend notre ordinateur, quand on ouvre notre ordinateur, ben, on n'est peut-être pas tout seul au bout de la ligne. Au bout, il y a peut-être l'oncle Sam qui nous surveille. Donc on abordera ça, surtout avec sous l'angle militantisme, nous, des gens d'Attaque Québec, les Amis de la Terre, le groupe de Simplicité Volontaire, peut-être que quand on va sur Internet mettre à jour nos sites web, on n'est peut-être pas tout seul à regarder tout ce qui se passe, puis on a cru, bon, prendre quelqu'un qui connaît bien le milieu. Donc, on commencera le premier grain de sable là-dessus, et en deuxième partie, nous aurons la chance d'avoir Dominique Bernier qui est de retour du Brésil. On lui a parlé il y a quelques jours, peut-être vous souvenez-vous. Elle était sur place à Porto Alegre. Elle nous parlait du forum social. Mais on sait que Dominique est notre chroniqueur sur les ententes de libre-échange. Et peut-être avez-vous vu qu'il y a eu une grande cérémonie. 12 pays ont signé une entente de libre-échange transpacifique. Donc, en deuxième partie d'émission, on abordera ce sujet avec Dominique Bernier. Mais d'abord, Jérémy, oui. Pourquoi doit-on se soucier de la sécurité informatique dans le milieu militant ou communautaire? Alors, merci pour m'avoir donné cette opportunité. Alors, pour répondre à la question, je dirais que de par la mission, évidemment, et le contexte politique d'existence même du militantisme des organismes communautaires, les organismes communautaires ont beaucoup d'adversaires puissants. Or, il faut savoir qu'en sécurité informatique, ce qui est vraiment primordial, c'est la puissance et les ressources des adversaires à qui on fait face. Donc, les organismes militants progressistes sont les cibles privilégiées de multinationales, de gouvernements, de tout acabit. Et il faudrait qu'ils en prennent conscience, parce que j'ai remarqué que dans ce milieu-là, on a peu ou pas conscience, ni même assez de ressources pour mettre en place des pratiques physiques ou même méthodologiques pour se protéger contre ces menaces. Et ça, c'est un vrai problème. Sachant également que les cadres législatifs, notamment en Europe, où on est en train de voir ni plus ni moins que l'abolition de la vie privée et des échanges de la correspondance privée, l'exception de correspondance privée, les organismes sont encore plus à risque d'un point de vue politique, législatif, de voir leurs échanges compromis et leur sécurité de leurs données compromis également. Mais est-ce qu'il y a des menaces? Quelles seraient ces menaces là, qu'on peut redouter là, puisque on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe? Des fois, on s'aperçoit que notre ordinateur bloque, ou des fois, on s'aperçoit là, qu'il y a une certaine lenteur. On s'imagine plein de choses hein, quand on veut paranoïer. C'est très facile, mais quelles sont ces menaces concrètement? Qu'est-ce qui peut arriver? Alors, il y a énormément de menaces qui sont en plus très spécifiques aux organismes que je vais dire. Je vais regrouper les militants et les organismes communautaires sous terme d'organismes progressistes. Par exemple, moi je les ai découpés en plusieurs cercles concentriques. Les premiers, ce sont les menaces internes, c'est-à-dire nos propres comportements qui sont à risque, des maladresses, des choses dont on n'a pas conscience, des oublis, des gaffes, des mauvaises pratiques. Ensuite, il y a les termes plus un niveau au-dessus, externe. Ça peut être des amis à qui on a partagé des données, ça peut être des relations, des connaissances, d'autres organismes communautaires parfois. Ce qui peuvent poser des problèmes de sécurité. Ensuite, on a un autre niveau encore plus externe qui sont les gouvernements, les multinationales, surtout parce que ce sont des gens qui ont énormément de ressources pour justement venir interférer dans la sécurité des données des organismes progressistes. Les menaces législatives, évidemment, les nouvelles lois qui sont votées. On a eu le Patriot Act aux États-Unis. On a l'équivalent français et européen qui est en train de se mettre en place. Et on a aussi tout ce qui est encore plus externe, qui sont les menaces auxquelles tout le monde sont confrontés, qui sont les virus, les troyens, les programmes qu'on installe sans savoir vraiment, Et dans le fond, c'est très important de prendre conscience déjà de ces menaces et ensuite de savoir comment s'en protéger. Et bon, c'est un premier pas, mais après, il y a toujours des choses qu'on peut faire à notre niveau pour s'en protéger un peu plus. Mais des fois, on reçoit des messages. Y a-t-il des messages de ça que tu pourrais nous allumer? Je sais que des fois, je reçois des messages d'amis qui me disent « N'ouvre pas tel message qu'on a reçu parce que j'en connais qui l'ont ouvert et qui sont tombés dans le trouble. » Mais comment on a souvent des logiciels d'harponnage qu'on a déjà d'installer, comme si on est abonné à Vidéotron, il y a certains systèmes de sécurité, mais il y en a évidemment qui réussissent à se faufiler à travers ça. Là. Alors, évidemment, c'est ça. Il y a beaucoup de... Il y a tout ce qui est préinstallé sur les machines dont moi je pense personnellement qu'il faut s'en débarrasser à la première installation parce que ce sont souvent des logiciels propriétaires, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qu'ils font exactement, quelles informations ils envoient. On pourrait le savoir, mais je ne sais pas si vous avez déjà lu un contrat de conditions d'utilisation, c'est conçu pour être indigeste. Comme un contrat d'assurance. Exactement. C'est écrit en petit dans, à l'endo. Il y a une très bonne raison pour ça, c'est qu'ils veulent, ils comptent pour que les gens ne le lisent pas et saignent juste, j'accepte pour que je puisse installer mon logiciel. Ça, c'est une première chose. Il faut également, se tenir au courant, un peu comme vous l'avez dit, se tenir au courant dans notre milieu. Alors, il y a, un message qui circule, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 90, le fameux « I love you ». Le fameux courriel qui est envoyé avec un objet « I love you », on clique dessus, c'est un gros virus. C'est des choses comme ça, il faut se tenir au courant un petit peu, mais ça c'est un truc que pas nécessairement les progressistes pensent à faire parce qu'ils n'ont pas nécessairement le temps ou les ressources de le faire. Mais dans le fond, ça ne prend pas tant de temps que ça. C'est ça, il faut faire attention, évidemment, toujours mettre à jour les logiciels qu'on a sur notre machine le plus souvent possible. Parce que il faut savoir que entre le moment où une faille est découverte dans un logiciel, par exemple, de messagerie qui permettrait de prendre le contrôle de notre machine, et le moment où on installe la mise à jour, pendant tout ce temps-là, on est vulnérable et on peut se faire voler des données, des identifiants, des mots de passe, etc. Et ça, c'est un gros problème pour les organismes communautaires. Enfin, et les progressistes en général. Oui, c'est sûr que... Bon, merci, ça fait quand même quelques bons trucs. Mais, en fait, que peut-on faire pour sécuriser ces données et ces échanges de base là, qu'on a continuellement? Est-ce qu'au-delà des sécurités de base de nos câbles distributeurs, y a-t-il des petites choses que tu veux nous dire? Alors, bon, c'est ça. Évidemment, il n'y a pas de sécurité absolue. Il y a évidemment des petits trucs qu'on peut faire. Par exemple, un truc tout simple auquel on ne pense pas à faire parce que ça prend un peu de temps, c'est de changer ses mots de passe au minimum tous les 6 mois. J'avais un professeur qui disait il faut les changer à chaque changement de saison. Ça peut être difficile à gérer, mais il faut quand même faire cet effort-là, en choisir des longs. C'est très important de choisir des mots de passe qui sont longs versus des mots de passe courts mais compliqués. Il y a comme une blague qui circule dans le milieu informatique, c'est qu'on a réussi à faire apprendre aux gens de donner des mots de passe qui sont durs à retenir pour eux, mais faciles à craquer par des machines. Alors qu'on devrait faire le contraire. On devrait faire des mots de passe qu'on est capable facilement de retenir, mais qui sont durs à craquer par des machines. Et le conseil que je peux donner, c'est celui de Edward Snowden, qui est d'utiliser des mots de passe avec des mots choisis au hasard dans le dictionnaire. Exemple, cheval, batterie, agrafeuse. Ça, c'est facile à retenir parce qu'on se fait déjà une image mentale. Un cheval, il a une batterie et dessus, il y a une agrafeuse. Mais ça, c'est très difficile à craquer parce que c'est très long. Et bon. Vous, avez-vous un mot de passe à me suggérer? Comme, dites-moi votre mot de passe, voir s'il est bon. Ah non, c'est une blague. ça va me permettre d'embrayer sur le deuxième point aussi. C'est qu'il y a un point aussi qu'on a tendance à oublier en sécurité informatique, c'est que l'élément le plus vulnérable et le plus présent dans toute infrastructure informatique, c'est l'élément humain. Il y a un très bon livre qui a été écrit par le fondateur de la piraterie informatique Kevin Mitnick qui s'appelle L'art de la supercherie. Et c'est un manuel de manipulation et ce sont que des techniques qu'on appelle d'ingénierie sociale. Donc il faut faire très attention à ça, mettre en place des procédures. Par exemple, si j'appelle un organisme communautaire et je dis oui, je suis telle personne, je connais tel autre et j'aurais besoin du mot de passe serveur, ben il faut que la personne me pose des questions, me dise « Ah oui, mais vous êtes qui exactement ?» etc. Donc, il faut faire attention aussi à cet aspect qui est non technique, mais qui est primordial dans la sécurité informatique. Très intéressant, très intéressant. Donc, on a parlé de ces menaces, on a parlé de ces soucis de sécurité informatique dans le milieu militant. Tu nous as donné des trucs. Donc, de changer son mot de passe aux 6 mois ou à chaque saison. Mm-hmm. Mais ici, effectivement, on a 2 saisons. Il y a l'hiver, puis il n'y a pas l'hiver. Donc, quand c'est pas l'hiver, changez votre mot de passe prochainement. Ça devrait arriver à un moment donné, mm-hmm. au mois de mars ou peut-être au mois de mai. Là, c'est selon, parce qu'il y a des agriculteurs qui m'ont confié, je ne sais pas si je devrais le dire, mais que l'hiver, cette année, on va l'avoir au mois de mars. Ah. Donc, on pourrait prévoir changer peut-être à Pâques, mais Pâques va être tôt cette année, donc on peut pas même dire que Pâques va amener le printemps. Donc, mm-hmm. Dans le courant de l'été, dans le coin de la Saint-Jean-Baptiste, là, quand il n'y a plus de neige, au mois de juin, mm-hmm. on pourra peut-être changer de passe. Ben moi, j'ai un truc, mais j'hésite à le dire, parce que pour mon mois de passe, mm-hmm. ça pourrait... je prends des choses, évidemment, j'essaie de les changer souvent, mm-hmm. mais j'ai comme la même sorte de séquence. Là. J'ai des chiffres mélangés avec des lettres que je dirais pas, okay. mais les chiffres... augmente ou diminue avec le temps, mm-hmm. et les lettres aussi là, hein, comme si j'avais par exemple la lettre A, mm-hmm. ben quand je change mot de passe, il va avoir la lettre B dans mon mot de passe. Et si j'avais les chiffres 11, eh bien là je vais aller vers le 12. Mm-hmm. Donc je vous dis pas que mon mot de passe est 12 12 AB 12 là, mais mm-hmm. il y a des trucs comme ça, parce que je sais pas si vous le savez, mais moi, à un moment donné, je viens tout mêler en mes mots de passe. et je m'aide en me disant, ben c'est à peu près toujours le même partout, mm-hmm. mais je le change, effectivement. Je dirais pas aux saisons, mais mm-hmm. en fait, il y a des sites qui te demandent de changer ton mot de passe. Oui. Donc, à ce moment-là, tant qu'à le changer lui, je le change partout. Là. Ben, exactement. Ça, c'est aussi un bon truc, ça. Et je garde une version papier. Évidemment, je le mets pas sur mon téléphone cellulaire. Mm-hmm. J'ai déjà fait, mais on m'a déjà dit de pas le faire. Non, évidemment. Donc, pas une source électronique où je mets mon mot de passe mm-hmm. à jour, puisque c'est sûr qu'en vieillissant, l'Alzheimer, ça aide pas, là. C'est un muscle, la mémoire qu'on doit pratiquer, mais en vieillissant, donc, il faut vraiment se trouver des trucs personnels, sans mm-hmm. trop le dire non plus, hein. Ben, il y a des tas de trucs. Il y a aussi les, j'ai déjà vu un genre de livre avec plein de caractères. Au hasard, puis en fait on a juste à retenir un schéma, et en faisant schéma ça nous donne le mot de passe. Il y a ce truc là. Il y a aussi on peut avoir un genre d'algorithme en se disant bon, mettons que j'ai telle date, mais il faut pas que ce soit compliqué. La seule chose qui est importante, c'est que le mot de passe soit long. Ça pourrait être deux mots allemands extraits d'un livre de psychologie, là, ça irait parfaitement. Bon. Faut être capable de l'épeler soi-même, parce qu'en allemand, c'est pas ça. Évident. Il y a aussi des logiciels comme, par exemple, KeePass, qui sont on appelle ça des keystore, des trousseaux, en fait, c'est ça le vrai terme, ce sont des trousseaux sécurisés, et en fait, on a juste un seul mot de passe à se rappeler, sauf qu'à l'intérieur de cette petite base de données, qui est cryptée, bien entendu. Eh ben, on a, par exemple, j'ai mon mot de passe pour Gmail. En passant, je recommande pas d'utiliser Gmail. Ah, pourquoi? Oh, là, c'est une autre raison. C'est une autre question. Mais l'expurger tout de suite. Globalement, il vaudrait mieux utiliser des. Si on veut vraiment être sécuritaire, il faut mieux utiliser des solutions anonymes. Par exemple, il y a Numanity, ProtonMail. Il existe des tonnes et des tonnes de services mail cryptés et sécurisés. Parce que le problème de Gmail et consorts, c'est qu'on n'est pas... Déjà, par la loi, ils sont tenus de fournir des genres de backdoor pour la NSA et le gouvernement. Ça, ouais. c'est même pas sur un site à fond noir que j'ai lu ça. C'est vraiment enchâssé dans la loi américaine. C'est connu, c'est public. Exactement, quoi. C'est complètement public. Et en plus, c'est comme quand on lit quand on lit vraiment leurs conditions d'utilisation, on lit que les fichiers qu'on y dépose, les données qu'on leur envoie, leur appartiennent. Ça pose un gros problème pour les données confidentielles. Donc je recommande pas. D'ailleurs, il y a l'initiative qui s'appelle Framasoft, qui est d'ailleurs que j'utilise en ce moment pour mes notes, qui est une très bonne initiative qui consiste à faire en sorte de créer des alternatives libres, ouvertes, des outils comme Gmail, comme Excel, etc. Tout ce qu'on appelle les software as service, c'est-à-dire comme quand on édite, c'est-à-dire qu'il n'y a rien installé sur notre machine, mais tout se fait dans un navigateur. Et c'est une très très bonne initiative parce que au moins il n'y a pas, on sait exactement ce qu'ils font avec. Et si en fait on n'est pas content avec eux, on peut prendre l'outil qu'ils utilisent et ils le disent comment faire très facilement. On peut l'installer sur une machine et on a tous nos services dessus. Est-ce que tu connais Telegram? Ah, non, je ne connais pas. Parce que ça m'est arrivé d'aller à un congrès plutôt politique au Mexique. Mm-hmm. Et les politiciens mexicains voulaient être sûrs probablement de ne pas être cryptés, mm-hmm. de ne pas être entendus, puisqu'ils étaient en plus en période électorale. Ah ouais. Et on nous avait suggéré d'utiliser le Telegram. Donc j'ai téléchargé ça sur mon téléphone. Et effectivement, il y avait plein de fonctions où on pouvait faire détruire les messages automatiquement. Après un certain temps, le message s'auto-détruisait. Oui. Et évidemment, c'était réservé à un groupe, un peu comme un groupe Facebook privé. Mm-hmm. Alors, on créa un groupe privé. Et pour que quelqu'un de nouveau puisse faire partie des échanges, mm-hmm. il devait être accepté par un administrateur, celui qui avait initié. Ah ouais. Mais malgré ce groupe qui avait peut-être 20 ou 30 personnes... Mm-hmm. Il y avait possibilité de prendre une ou deux personnes dans le groupe et de recréer un sous-groupe okay. qui allait être réservé pour ces deux personnes-là seulement. Donc, et tu vois le message que tu reçois, t'es réservé à toi okay. et sera détruit dans quelques minutes ou dès qu'il a été lu. Donc, mm-hmm. c'est assez spécial de travailler dans ce genre d'environnement ouais. parce qu'il faut s'y habituer. Quand on lit quelque chose, on sait qu'on ne pourra pas le reprendre. Souvent, on va retourner prendre un numéro de téléphone, par exemple. Mm-hmm. Et c'était surtout, entre autres, pour échanger des numéros de téléphone qui, semble-t-il, étaient réservés, ouais. confidentiels, mais qu'eux avaient peur, justement, que ces numéros-là sortent. Et c'est des politiciens, comme on sait au Mexique, il y a des dangers pour certains politiciens pour leur vie. Hein. pour leur vie. Et je me souviens qu'il y a un de ces politiciens-là, c'était garanti que chaque fois que tu échangeais quelque chose avec lui, il s'auto-détruisait par la suite et il y allait même dans le groupe d'une façon individuelle. Et j'ai vu un reportage, et c'est un peu pourquoi je voulais qu'on en parle, et je suis mm-hmm. vraiment content, Jérémy, que tu sois avec nous aujourd'hui, puisque en voyant un reportage à Radio-Canada la semaine dernière, pour ne pas nommer l'émission Découverte, mm-hmm. et je pense qu'il y a eu une suite d'ailleurs, et on terminait en disant qu'effectivement, un des rares moyens de communiquer mm-hmm. et de s'assurer d'une certaine confiance était le message Telegram. Ah, okay. Un peu comme Facebook. moi, je l'ai connu en juin dernier, donc ça fait à peine un an. Et d'ailleurs, je communique encore avec ces gens-là, mm-hmm. Mais il faut recréer un échange à partir d'un numéro de téléphone, et c'est gratuit. Hein, c'est ce qui est assez... C'est intéressant. Et je suis allé faire des recherches sur Internet, sur ce... Mm-hmm. Comment on appelle ça, finalement, son... pas un logiciel, mais en tout cas un service. Mm-hmm. Et effectivement, il assurait une confidentialité et une protection par rapport aux Américains, là, aux États-Unis. Donc, je vais juste mettre un bémol parce que oui, il existe plein d'outils qui prétendent ne pas conserver les données. Par exemple, on a eu le cas avec HipChat, je crois, qui disait qu'il ne gardait pas les données. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il les stockait pendant 3 mois. C'est toujours le problème des entreprises privées parce que pour eux, stocker des données, c'est de l'or en barre. Ils ne vont pas jeter ça à la poubelle. Ils ne vont pas flusher ça, même s'ils vont le dire. Il y a un autre problème aussi qui est que la NSA... Alors, ça, ça fait partie des révélations de Snowden, là, puis faut quand même les prendre avec des... Moi, personnellement, je les prends avec des pincettes, là, même si je pense qu'il est assez digne de confiance. C'est que le gouvernement stockerait les données, même cryptées, dans le but que un jour, quand on sera capable de décrypter ces données, ils vont pouvoir les décrypter en disant, mettons, il y a 10 ans, telle personne a dit telle chose, puis on pourrait l'utiliser contre elle. Donc, ce que je veux dire, c'est que même si on a un service entièrement sécurisé, le problème d'Internet, c'est que ça passe tellement... C'est un réseau. Un réseau, ça veut dire qu'il y a plein d'échelles, il y a plein de maillons pour aller d'un point A à un point B. Donc, on ne sait jamais si un point A, s'il ne va pas copier les trames quelque part. On ne sait pas toujours... on ne peut pas savoir vraiment si quelque chose est sécurisé. On peut avoir plus ou moins, on peut essayer plus ou moins des différentes techniques, mais la sécurité absolue n'existe pas. Donc c'est vraiment, il y a, moi je dis toujours, hein, le seul moyen d'avoir une connexion sécurisée, c'est de débrancher la prise. Il n'y a pas d'autre solution. Et encore, il y a eu des cas de virus qui ont été rapportés, qui se transmettent. Ce sont des travaux de recherche, évidemment. Là, c'est pas quelque chose qu'on va avoir dans la rue, mais qui se transmettent par le son. Donc même si le câble est débranché, il y a des travaux de recherche qui ont montré qu'on pouvait faire des virus qui se transmettent par le son et le microphone. C'est quand même, c'est ça. Ça ne nous réconforte pas trop, ça, Jérémy. Malheureusement, c'est ça, dans la sécurité, on se rend compte que plus on en apprend sur la sécurité, moins on se rend compte qu'il y en a. Oui, et d'ailleurs, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin. Là. Mm-hmm. C'est sûr que dans l'actualité cette semaine, on a entendu parler de Julian Assange. Mm-hmm. On a donc suivi, moi en tout cas personnellement, j'ai suivi entre autres sur Radio France Internationale, sur Reporter.net, sur Basta Mag, tous ces sites alternatifs où on parle encore plus. Il y a même une entrevue qu'on peut entendre, si on va sur Internet, de France Inter, une entrevue qui a été faite avec Julian Assange, avant même qu'il ait le résultat de cette commission des Nations Unies qui proclame son incarcération, on peut pas dire illégale, mais... politique au moins. Politique. et que, bon, après plusieurs années, ça fait déjà plus de 3 ans qu'il est incarcéré, c'est une façon de parler, dans le fond, dans l'ambassade... équatorienne à Londres, et on a pu voir une conférence de presse qui a fait de son balcon. C'est une ambassade qui n'a même pas de cour intérieure, donc il est vraiment confiné entre quatre murs. Depuis longtemps, sa famille vit en France, selon certaines informations. Il a même demandé au président François Hollande, avec qui une conversation téléphonique, dans le but de s'expatrier en France, puisque sa famille y est, et puis il s'ennuie beaucoup, on peut comprendre, sa famille. Il est accusé par le gouvernement suédois de viol de femmes, selon certains critères et certaines lois qui existent là-bas, en Suède. Donc, ça va pas tellement bien, mais tout ça pour lui, évidemment, il est de la même école que Snowden, que tu nous as parlé, de Manning aussi, des militaires, des internautes qui ont voulu, en tant que whistleblower, lanceur d'alerte, vouloir nous avertir qu'effectivement, il y avait des dangers, il y avait cette surveillance par l'Internet qu'on ne sait pas trop si c'est légal ou illégal. Et en temps de terrorisme en France, on peut comprendre que ça n'a fait que empirer, en fait, si on se met du côté de l'utilisateur. C'est ça, c'est un beau prétexte. Le terrorisme, ça a toujours été un prétexte de choix. Il y en a d'autres aussi, hein. On connaît les Assange, les Manning, les Snowden. Il y a même une femme internaute dont j'ai oublié le nom. Mais il y a donc ces gens-là qui essaient de nous aider. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces gens-là? Bien, déjà, ce sont des gens qui ont fait un sacrifice immense parce que ils n'ont plus de vie. Là, ils sont comme catalogués comme ennemi public numéro un. Puis, même s'ils ont des sympathisants, c'est pas ça qui va leur permettre de rentrer chez eux. Et même eux, par exemple, Snowden, c'est un bon exemple parce que c'est quelqu'un qui est, comment dire, qui connaissait la sécurité sur le bout des doigts. Puis, on s'est rendu compte que malgré tout, il s'est fait retrouver, etc. Donc, ce qu'on peut savoir, c'est que, en fait, personne n'est à l'abri d'une répression politique telle. On peut toujours essayer de sécuriser. Moi, je pense que la solution à long terme, ça serait vraiment un mouvement global. Parce que, un exemple très simple, un truc très simple, c'est qu'on est rendu que sécuriser nos échanges, ça peut nous rendre suspects. C'est-à-dire que si le gouvernement américain voit des données clair, et là, il voit, cette ligne est sécurisée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils ne sont pas capables de tout décrypter en temps réel. Ça, c'est faux, ça. C'est une croyance. Mais ils sont capables de mettre toute leur puissance de calcul sur une seule communication. Et là, ils vont la casser, ils vont voir ce qu'il y a dedans. Et plus on utilise de sécurité, plus on est suspect. Donc, paradoxalement, utiliser plus de sécurité nous met plus à risque d'être surveillé. Oui, c'est vrai. Donc, en utilisant Telegram, dans mon cas, je me suis comme ouvert à la possibilité de dire, écoute, moi j'ai de quoi cacher alors que je n'avais rien c'est à ça. Cacher. Il y a des points en plus qu'on gagne. Par contre, si on décide d'un seul coup que tout le monde crypte nos données, alors là, ils vont être très très embêtés parce qu'ils ne pourront pas casser toutes les données. Ils peuvent juste en casser une qui cible. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse un mouvement citoyen global, qu'on se conscientise les gens à savoir signer leur courriel, savoir encrypter leur courriel, leurs échanges. Il existe, par exemple, un chat libre et ouvert qui s'appelle Ring, qui est édité par Savoir-Faire Linux et qui crypte les données en peer-to-peer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de serveur central qu'on peut corrompre. C'est toutes des réseaux distribués. Il faut qu'on éduque les gens à crypter leurs données le plus possible. Comme ça, ça va devenir de moins en moins dangereux pour l'ensemble des gens. Mais ça, c'est un travail de fond à long terme. Mais donc, vous nous avez dit d'éviter les Gmail. Je suis déçu parce que moi, mon adresse Gmail, vous avez fait le tour du monde. Dropbox, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Dropbox, c'est connu, c'est reconnu qu'il y a des backdoors. Moi, j'ai débarqué de ça. Le problème, c'est pas un problème. Il existe des solutions ouvertes et j'ai installé sur mon serveur un on-cloud à un moment donné. Il existe d'autres alternatives, ce qui s'appelle SyncThing, plein de choses comme ça, The Box, qui sont sécurisées. Comment je sais que c'est sécurisé? C'est parce que ça peut s'installer sur notre machine chez nous, moyennant un peu de configuration. Et vu que c'est nous, on sait ce qu'on fait avec nos données, là, on est comme maître de ça. Le problème, c'est que c'est pas accessible encore pour l'utilisateur lambda. Mais je pense que ça, il faut que la communauté open source y travaille. Oui, c'est très bien. D'ailleurs, connaissez-vous des formations qui pourraient nous aider? Alors, open source, des formations, il y a l'AMI Linux, qui est comme un organisme qui fait à faible coût des petites formations, des choses comme ça. Il y a la OASP aussi, qui est une organisation mondiale. Elle ne donne pas de formation, par exemple, mais ils ont beaucoup de ressources, de livres, et de choses comme ça, de bonnes pratiques à appliquer dans notre organisation que les gens peuvent consulter gratuitement pour justement promouvoir les bonnes pratiques de sécurité. Vous avez un site web justement à suggérer, je pense que vous avez un lien là, des gens de Linux. Il y en a plein, j'ai pas les sites web, on pourra les mettre plus tard sur Internet. Pour ceux qui n'ont pas Internet, je peux prendre vos pieds et marcher pas tellement loin d'ici. Il existe le garage Linux qui vient de la coopérative Linux qui a été fondée par des amis il y a quelques années. Je sais que c'était relancé récemment, puis il y a un garage. Moi-même, mon ordinateur que je viens d'acquérir pour $50, on m'a installé gratuitement Linux dessus. Ah ouais. Et c'est au coin de la rue des Commissaires et Dorchester. Ah, je connaissais pas, c'est très bien. Ah oui, c'est très bien. Et je sais qu'ils gagnent à se faire connaître. Ils sont associés maintenant à la Corderie. Okay. Ils veulent s'associer avec le groupe de simplicité volontaire de Québec. Ah ouais, c'est très bien. Et mon ami Luc Paquin, qu'on devrait inviter ici, d'autres experts, veulent offrir un cours à la bibliothèque Gabriel-Leroy. Mm-hmm. Donc, surveillez ceux qui fréquentent les bibliothèques de la grande région de Québec. Mm-hmm. L'Institut canadien a accepté de donner des cours, et pas seulement pour montrer des logiciels libres, donc une façon, peut-être on demandera aux experts, une façon de crypter ces échanges quand on est sur le logiciel libre, déjà. Mm-hmm. C'est moins, facile de se faire avoir que par les grands logiciels, des grands... Exact. En tout cas, je nomme pas de nom, mais tout le monde le sait. et je sais que dans ce cours-là, non seulement... on pourra suivre des cours de logiciel libre, mais on pourra apprendre à utiliser une télé HD sans être câblé, donc de s'installer les ondes hertziennes pour avoir accès aux ondes sans être obligé de s'abonner au câble. C'est vrai, on peut faire et ça. Deuxième chose, il existe des téléphones, ça reste à prouver, qu'on peut acquérir pour une cinquantaine de dollars et ne pas avoir besoin d'un abonnement chez Bell ou Vidéotron. Donc, il y a trois cours qui s'en viennent à la bibliothèque Gabriel-Leroy. C'est une demande qui avait été faite par la bibliothèque ou par les gens de l'Institut canadien d'audiovisuel à Gabriel-Leroy. Mm-hmm. Et je sais que le Garage Linux, pour avoir été approché pour aider à cette formation-là, pas comme expert, mais comme étant quelqu'un qui pourra animer en faisant venir des experts. Donc, peut-être qu'on t'invitera, Jérémy, à donner une partie du cours. Ça te fera une source de revenus pour prendre ton expertise parce que je pense que c'est pas la dernière fois qu'on parle de Julian Assange, de Snowden, de Manning, tous ces gens-là qui ont sacrifié leur carrière, leur vie, leur qualité de vie, pour dénoncer une situation dont on savait qu'elle existait, mais qu'on n'avait pas vraiment de preuves. C'est ça. Et t'as une demande spéciale. Veux-tu nous en parler? J'espère que ça va fonctionner. Je suis sur mon ordinateur au logiciel libre. Peut-être qu'on est surveillé puis ça a été complètement annulé. Présente-nous, Monsieur Robot. Mr. Robot? Mr. Robot. Ah, ça, c'est une très bonne série qui est très réaliste, qui raconte, je vais pas spoiler le punch, là, mais qui raconte, dans le fond, l'histoire d'un hacker, puis il y a tout un contexte politique derrière ça, une critique du capitalisme très poussée. Et en plus, cette série se paye le luxe d'être extrêmement bien documentée du niveau technique. Toutes les commandes qu'on voit à l'écran, elles fonctionnent. Ça, ça me fait du bien de voir ça. Pour une fois qu'on voit du code à l'écran et que c'est pas n'importe quoi. Eh bien, c'est une très bonne description. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi. Jérémy, raton posant. Oui. Et est-ce qu'on peut te rejoindre si jamais des gens ont des questions? Est-ce qu'il y a une adresse courriel que tu veux laisser? Bien sûr, vous pouvez. À condition que les gens n'aient pas de Gmail, à condition qu'il n'y ait pas de Facebook. Oh, ben ça, c'est. Alors, ben, mon adresse, c'est info, I-O-N-F-O, @alchemia, avec un Q, comme dans Québec, alchemia.com. Merci Jérémy. Merci à vous. Vous écoutez CKRL 89.1. Oui, bonjour, de retour au Grain de Sable. Merci, Dominique Bernier est déjà en studio. Et est-ce que Michel Lambert est avec nous? Oui. Oui, merci d'avoir répondu à l'appel, Monsieur Lambert, du groupe Alternative. Nous venons tout juste de parler avec un expert en cybersécurité qui nous faisait part de ses craintes d'être surveillé, d'avoir des sites qu'il faut moins fréquenter que d'autres. Est-ce que vous êtes du même avis? Je sais que les gens d'Alternative font des formations prochainement. Et est-ce que les formations que vous suggérez et l'information qui est disponible sur votre site peut vraiment aider les gens qui sont dans une situation à se demander, ben écoute, qu'est-ce que je devrais faire pour être moins surveillé, avoir plus de sécurité dans cette grande autoroute de l'information? Ben, en fait, c'est ça. C'est que on a réalisé, par exemple, sous l'ancien gouvernement fédéral, il y avait des nouvelles lois qui permettaient de surveiller de façon plus intense, notamment les gens qui sont dans le milieu écologiste ou dans d'autres milieux où le gouvernement des fois est toujours heureux. Et donc, il y avait une surveillance de plus en plus importante et la surveillance était de plus en plus ouverte, permissive. Et donc, on a développé des formations, notamment pour les gens, pour les militaires essentiellement, les activistes, mais c'est ouvert à tout le monde, pour être capable de minimalement utiliser son ordinateur de façon sécuritaire, par exemple, envoyer courriels qui seront encryptés ou changer son mot de passe régulièrement ou avoir plusieurs différents mots de passe plutôt que d'avoir le même sur plusieurs sites et ainsi de suite. Donc, un paquet de techniques qu'on propose aux gens qui sont intéressés à être capables d'être minimalement, donc, de circuler sur l'Internet de façon sécuritaire sans être complètement ouvert, que n'importe qui. Puis bon, je parlais de militants, mais par exemple, on a vu beaucoup de situations où des gens se sont fait usurper leur identité sur l'Internet, sur différents services web. Donc, d'avoir des bonnes pratiques sécuritaires, ça permet d'éviter ça. Intéressant. Donc, ça se donne à Montréal. Est-ce qu'à Québec, il y aura possibilité aussi d'avoir ça éventuellement? Est-ce qu'on peut en faire la demande? Actuellement, ce qu'on a fait, c'est... en fait, nous, on a travaillé sur ces enjeux-là d'abord à l'extérieur du Québec. On a lancé un centre de formation en Tunisie. En Tunisie, ben oui, et j'ai là, vu ça. On vise à faire un centre similaire au Québec avec des services qui pourront être donnés un peu partout sur la province. On n'a pas de date précise encore. On discute avec un paquet de partenaires. Là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est des formations surtout à Montréal. Mais c'est pour, je dirais, sensibiliser les gens à l'intérêt de ces questions-là, puis à peut-être donc à connaître les outils en question pour se protéger. Et puis graduellement, donc, on va ouvrir un espèce de centre qui couvrira le Québec, des services de formation qui couvriront le Québec. Mais ça va dépendre évidemment de la demande aussi. Par exemple, si à Québec, il y a des gens qui s'organisent, qui veulent avoir ce genre de formation-là, ben on sera plus rapidement en mesure d'offrir le service. Je sais que la bibliothèque Gabriel Leroy et l'Institut canadien qui gère les dizaines de bibliothèques qu'on a à travers la ville de Québec sont très intéressés à suggérer ce genre de formation-là pour que les gens aussi puissent être plus autonomes avec des logiciels libres et d'autres moyens de sortir de ces câbles pour être pour avoir accès à Internet. Et donc, alternative, est-ce que vous êtes aussi impliqué dans le Forum social mondial qui aura lieu à Montréal au mois d'août? Est-ce que ce genre de formation-là ou ce genre d'information-là pourra circuler au Forum social? Pour ceux qui s'intéressent à la cybersécurité, est-ce que le Forum est une destination à mettre à l'agenda? Ben, c'est une bonne question dans le sens où j'ai pas entendu parler de personne qui allait faire ça durant le Forum social jusqu'à maintenant. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en développement, donc ce serait pas du tout impossible que ça arrive. Puis en Tunisie, justement, dans le dernier Forum social mondial en 2015, on avait nous-mêmes installé avec différents partenaires une tente qui a donné des ateliers tout le long du forum. Donc effectivement, ben, faut... qu'on pourrait faire. Il faut faire venir ces gens-là, mais Dominique Bernier semble opiner du bonnet, qui est un peu impliqué, je pense, dans le Forum social mondial. Oui, bien en fait, j'arrive du Forum thématique de Porto Alegre sur les 15 ans du Forum social et il y a un courant assez développé, en fait, sur les médias libres dans le cadre du Forum social. Il y a déjà eu un Forum social thématique sur les médias libres, à ce qu'il me semble, et ces gens-là ont l'intention de développer un courant un axe assez important là, sur cette question-là à Montréal. Donc, je pense que oui, on risque d'en entendre parler beaucoup parce que c'est de plus en plus d'actualité. Il y a de plus en plus de gens dans le grand public là, qui sont préoccupés de ces questions-là avec raison. Donc, le Forum social mondial de Montréal va être un bon endroit pour en apprendre plus, d'après moi. Super. Mais merci, Dominique. Et donc, Michel Lambert, avant, je ne vais pas trop prendre de votre temps. Je sais que vous êtes très occupé, mais je voulais quand même savoir, le groupe Alternative est très actif, justement. Vous avez mentionné la Tunisie. Vous avez joué un rôle important, je pense, avec ce centre de formation-là, quand on sait que les printemps, donc pas seulement érables, mais printemps arabes, a créé, justement, et a été vraiment initié quasiment à l'époque par les... L'Internet a joué un rôle important, mais si on revient à Julian Assange, qui a reçu le soutien du comité de l'ONU, qui a jugé illégale sa détention alors qu'il est reclus depuis plus de 3 ans à l'ambassade d'Équateur à Londres. Alors, son avocat en appelle le Royaume-Uni. Est-ce que c'est le genre de dossier qui intéresse Alternative? Ben, on ne s'occupe pas du dossier spécifique de M. Assange, dans le sens où on n'est pas... des avocats ou des gens qui vont travailler sur des enjeux légaux, juridiques comme ceux-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le droit d'accès à l'Internet, c'est le droit de l'utiliser d'une façon... Oui. C'est le droit d'expression sur l'Internet. Hein. C'est pas parce que le gouvernement dit une chose qu'on a le droit de dire seulement cette chose-là. Et on a le droit d'avoir des opinions différentes. Il y a des gouvernements, même en Amérique du Nord puis en Europe maintenant, qui sont de plus en plus... pas content finalement qu'il y a des citoyens de leur propre pays fait circuler des opinions différentes, sur, par exemple sur les enjeux militaires. On entend toutes sortes d'affaires. Puis de plus en plus, il y a de la surveillance. On nous dit, vous n'avez pas le droit de dire ceci, vous n'avez pas le droit de dire cela. Par exemple, sur la question d'Israël, on va se faire dire à l'occasion, vous devriez ne pas dire que c'est l'apartheid là-bas, mais bon, ben, si ça le dit, il faut le dire quand même. Oui, la Palestine est un gros dossier. On dit qu'on doit être menacé par notre gouvernement. C'est vrai. Donc, on s'intéresse à ces enjeux-là. On s'intéresse, bon, on parlait de forum social. Il y a eu, en Tunisie, avant la révolution, il y a eu plusieurs forums sociaux qui se sont organisés. Donc, ça va être intéressant de suivre ça à travers ces différents événements-là. Bien, merci beaucoup, Michel Lambert. Est-ce que il y a des dossiers qui préoccupent plus que d'autres ces temps-ci, les alternatives? Bien, on travaille sur toutes sortes d'enjeux. Là, en termes de priorité, actuellement, on va travailler sur des dossiers reliés. Justement, on parle de sécurité sur la planète, c'est un de nos grands dossiers. On travaille aussi sur la question de la justice climatique. On est très connecté avec les groupes écologistes, les groupes autochtones, les groupes citoyens qui dénoncent actuellement ce que nos gouvernements essaient de faire, c'est-à-dire, oui, on va à Paris, on signe des belles ententes, puis après, on fait des tuyaux de plus, puis on continue de créer, finalement, la pollution qui génère les changements climatiques, qui accélère les changements climatiques. Donc, on est sur ces enjeux-là, on est sur plusieurs enjeux de droits humains aussi, dans les différents pays où on travaille, notamment en Amérique centrale, on travaille sur les questions des minières canadiennes là-bas qui affectent les communautés locales. On travaille sur les enjeux de droits de femmes au Moyen-Orient. Donc, il y a plusieurs enjeux. Le monde ne va pas en s'améliorant nécessairement, mais il y a beaucoup de mouvements sociaux qui s'impliquent, qui veulent changer les choses. Donc, on essaie de les soutenir. Et donc, ben merci beaucoup. Et Dominique, j'imagine que le Transpacifique, l'entente de libre-échange, est-ce que ce sont des dossiers que vous travaillez avec les gens d'Alternative des fois? Ben, on travaille de loin, disons, avec les gens d'Alternative sur ces questions-là, même si on est tout à fait, on a des intérêts communs, là, une position, en fait, très proche là, de celle d'Alternative, qui sont nos alliés, en pour fait, pour que dans le Québec aille meilleure mine. Ah, la coalition se penche pas nécessairement sur les accords de libre-échange en ayant plein les bras avec le dossier minier au Québec, ouais. Déjà. Par contre, il y a d'autres sujets qui sont connexes, effectivement. Mais on va en parler du partenariat transpacifique dans quelques minutes. Bien, merci beaucoup, Michel Lambert, d'avoir pris un peu de votre temps pour nous parler de ce qu'Alternative fait. Et continuez votre bon travail. Bien, merci à vous et puis à bientôt. Au revoir. Merci, Dominique, d'être encore avec nous. Donc, vraiment, ça, c'est un sujet c'est pas la première fois qu'on en parle. Mais est-ce qu'il y a du nouveau, là? J'ai mentionné tout à l'heure qu'on avait signé 12 pays. Ça, ça inclut le Canada. J'imagine qu'il va y avoir un porte-parole là-bas, le ministre du Commerce international quelconque. Oui, la ministre Chrystia Freeland, la nouvelle ministre du Commerce international. Freeland. Presque un aptonyme, on appelle ça, Freeland. Faudra parler à Antoine Robitaille, là. C'est une ministre, étonnamment, qui a écrit un livre parce que c'est une journaliste à la base avant d'être nommée au cabinet Trudeau. Elle était journaliste et elle a écrit un livre qui s'appelle La plutocratie, où elle critiquait sévèrement, en fait, l'accumulation de pouvoir et de richesses entre les mains de quelques puissants. Et étonnamment, elle vient de signer, comme tu l'as dit, Jean, avec 11 autres ministres Ça, ça inclut les États-Unis, là. États-Unis, ça inclut l'Australie, ça inclut, en fait, un grand nombre de pays qui ont une frontière sur le Pacifique. Donc, Canada, États-Unis, Mexique, Pérou, Chili, Japon, le Vietnam, Singapour, la Malaisie, le Brunei, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La Chine n'est pas... Non, en fait, parce qu'un des objectifs non avoués du PTP, mais que tout le monde sait, c'est de faire contrepoids aux BRIC. Ah ouais. Brésil, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, tous ces pays qui se sont regroupés, en fait... et qui forment quand même une puissance économique importante actuellement, en montée, disons. Donc, le PTP vient, c'est une tentative des États-Unis de contrebalancer, de reprendre, en fait, le dessus, là, sur... C'est pas comme ça qu'on nous le présente dans les autres médias. Non, effectivement, non. Y a-t-il un grain de sable là-dedans que tu peux nous dire, Dominique? Effectivement, mais en fait, le partenariat transpacifique, c'est un partenariat, c'est du jamais vu, là, en matière de libre-échange. On en a déjà parlé ici à l'émission, c'est pas la première dernière fois là, qu'on fait le tour de ça. Mais je trouve qu'il y avait un lien intéressant à faire avec le sujet d'aujourd'hui, ah oui? De l'émission. Explique-nous ça. La cybersécurité, en fait, parce qu'il faut savoir que le partenariat transpacifique vient vraiment limiter toute possibilité que les citoyens pourraient avoir d'essayer de protéger davantage leurs données, leurs informations personnelles. Il vient limiter aussi beaucoup, beaucoup l'essor du logiciel libre. On peut même dire que des analystes disent, en fait, que dans le partenariat transpacifique, dans le PTP, il y a une clause Microsoft. On sait qu'il y a près de 600 lobbyistes qui ont participé aux négociations, alors qu'aucun intervenant de la société civile n'était invité à le faire. Et parmi ces lobbyistes-là, il y avait des lobbyistes de Microsoft, il y avait des lobbyistes de Google, des géants, en fait, des technologies de l'information. Et il y a une clause dans le partenariat transpacifique qui vient empêcher les gouvernements d'exiger que le code source soit accessible lorsqu'ils font des achats de logiciels. Donc, il faut savoir que les gouvernements sont parmi les gros acheteurs de produits informatiques pour des raisons évidentes. Ils ont des gros besoins en matière de produits informatiques. Tout est centralisé à la vice-présidence des technologies d'information du Centre de services partagés du Québec, là, qui a son édifice ici, les Cyril Duquette, au coin de Saint-Sacrement et Charest. Et c'est là qu'il y a un vice-président là, qui signe des contrats de millions de dollars par année. Mm-hmm. Et ce qui veut dire des milliards sur quelques années de tous les logiciels que tous les fonctionnaires de tous les niveaux utilisent, c'est le même acheteur. D'accord. Et donc, imagine-toi le pouvoir de ces gens-là. Et je sais qu'on a longtemps essayé de mettre des logiciels libres là-dedans. Ben, c'est ça. Mais ce qu'ils donnent comme réponse, c'est que quand le logiciel plante ou les ordinateurs plantent, tu peux faire un 800 Microsoft, tu peux faire un 800 machin truc. Alors, tu peux pas faire un 800 open source. Ah, oh, ça existe, oui, ça existe. Mais bien ils sûr, disent que ça existe pas, puis que ça serait trop long de changer. Alors, on est comme pogné, cadenassé avec ces grands logiciels-là qui coûtent des millions. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, et Jérémy Raton-Poson, qui était l'intervenant précédent, aurait pu nous en parler, je crois. Il faut savoir que des ministères comme l'armée canadienne, par exemple, le service de défense des différents pays utilisent Linux. Jamais ils ne pourraient utiliser Microsoft ou des logiciels propriétaires parce qu'ils doivent s'assurer de la totale confidentialité de ce qui est développé. Il s'agit d'informations sensibles, d'informations militaires. Donc, c'est utilisé par certaines parties du gouvernement pour des raisons de sécurité, justement. Donc, c'est pas vrai que ça peut pas l'être pour l'ensemble du gouvernement. Mais là, cette clause-là qui est dans le partenariat transpacifique vient vraiment carrément empêcher les gouvernements, lorsqu'ils font des appels d'offres pour des produits informatiques, de spécifier qu'ils doivent avoir accès au code source, c'est-à-dire que ça doit être des logiciels libres, parce qu'on sait que les logiciels propriétaires, les systèmes d'exploitation comme Microsoft, on n'a pas accès au code source. Tout est fermé. Donc, si on a un problème, on doit faire affaire avec leurs experts, mais on peut pas avoir des experts à l'interne qui vont déboguer ou qui vont développer de nouvelles fonctionnalités pour ces programmes-là ou ces systèmes d'exploitation-là. Donc, c'est vraiment, on devient dépendant de celui qui possède la licence, de celui qui est détenteur des propriétés intellectuelles. C'est un enjeu important dans ces ententes nouveau genre. Exactement. Et ça a un impact très, très important sur, justement, l'essor du logiciel libre. De plus, dans le partenariat transpacifique, il y a des clauses qui vont interdire au gouvernement d'exiger, par exemple, que les serveurs de telle ou telle compagnie qui veut faire affaire au Canada doivent être au Canada. Et ça, pourquoi c'est important, en fait? C'est parce que, par exemple, imaginons que Revenu Canada sous-traite une partie de son travail à une firme privée. Mm-hmm. On sait que Revenu Canada gère des données sensibles, il gère nos informations personnelles, nos informations sur le revenu, notre numéro d'assurance sociale, notre date de naissance, notre parcours, en fait. Ils ont beaucoup d'informations. Sur plusieurs années. Et s'ils sous-traitent une partie du travail à une firme américaine, par exemple, ils ne pourront pas exiger que les serveurs soient maintenus au Canada. Ça veut dire que si les serveurs sont aux États-Unis, nos informations peuvent être hébergées aux États-Unis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si c'est aux États-Unis, c'est soumis à la loi américaine. Donc, au Patriot Act. Donc, le gouvernement américain peut y avoir accès. La mainmise. Et c'est pas les mêmes règles de protection des données personnelles qu'ici. Alors, rien ne pourrait empêcher vraiment une entreprise de vendre ces données-là. En fait, elle pourrait le faire sans même que le gouvernement le sache, là, dans une certaine mesure, puisqu'elle ne sera pas assujettie de la même manière à la loi canadienne. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important qui se joue en matière de cybersécurité avec le partenariat transpacifique. Mais il faut savoir que comme on l'a déjà dit, cette entente-là a des impacts sur à peu près tous les secteurs de la vie, là, tous les secteurs de la société. Dans le journal, l'autre journal connu qui est distribué un peu partout là, de février, avec une apostrophe pour apostropher. Il y a Jacques Bégélina qui est un de nos chroniqueurs. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu quelques chroniques sur le sujet, comme tu le disais si bien, Dominique. Et il écrit aussi dans le journal, l'autre journal, c'est une drôle façon de le dire, mais c'est il écrit dans l'autre journal en février dernier que le libre-échange soumet les agriculteurs à des pressions économiques étouffantes. Donc, l'agriculture est un autre bel exemple d'un secteur qui est très, très, très touché. Et nous, quand on parle du Québec, surtout, on parle de la gestion de l'offre du lait, des œufs, de la volaille. Et semble-t-il que dans cette entente de Transpacifique, il y avait la gestion de l'offre qui était en question. Et là, il y a eu une perte du côté des agriculteurs. Eux, ils ont un impact financier direct, là. Il y a des quotas qui vont être touchés. Il y a la valeur des quotas aussi. Et une baisse de leur production qui est entraînée suite à cette signature-là. Mais c'est pas une signature définitive, hein. Il y a quand même une couple d'années encore avant que le Parlement canadien entérine au Parlement, cette entente. C'est pas fini, il y a encore possibilité. Tout n'est pas joué parce qu'en fait, c'est justement, la signature n'a pas force de loi, la signature n'est pas contraignante légalement. C'est plus protocolaire, si on veut. Les ministres s'engagent à faire la promotion, en fait, à le présenter au Parlement respectivement. D'accord. Donc, ce qui pourrait devenir contraignant, c'est la ratification du partenariat transpacifique. Et ça se fait au Parlement, donc. Mais là, on a un Parlement majoritaire. Je pense pas qu'il y ait vote libre là-dessus. Mais là, c'est là que le Bloc québécois, qui a sa propre position, les néo-démocrates, les conservateurs, qui, eux, ont négocié cette entente-là, vont probablement se battre bec et ongle pour garder intégral toutes ces deals qui ont été faits dans ce grand deal. Oui, c'est fort possible, mais il faut savoir que le gouvernement Trudeau s'était engagé, et la nouvelle ministre Chrystia Freeland s'est engagée aussi depuis le début à tenir une vaste consultation sur le partenariat transpacifique. Tout en laissant entendre que quand même on pouvait pas passer à côté de ce partenariat-là, que c'était important là, d'aller de l'avant avec ça. Ça, c'est un peu un test pour le gouvernement Trudeau. Est-ce que vraiment ça va être une réelle consultation? On peut en douter parce qu'à date, ce qu'on a vu un peu... Ça fait 100 jours. On est supposé avoir un aperçu de ce que va ressembler les 4 prochaines années après 100 jours. Là. C'est possible, mais bref, les consultations qu'on a vues à venir jusqu'à maintenant, c'était pas vraiment de réelles consultations. Non. On sait que les grands groupes de la société civile qui se préoccupent de libre-échange n'ont pas été réellement invités à donner leur avis sur cette question-là. On sait que la ministre n'a pas donné suite aux demandes du Réseau québécois sur l'intégration continentale de la rencontrer. Non. Réseau québécois sur l'intégration continentale, c'est quand même l'organe québécois là, qui est le plus... Qui suit ça depuis longtemps, très crédible, qui regroupe plusieurs groupes. Hein. J'ai probablement les Amis de la Terre, sont membres En fait, ça. C'est plus... sont plusieurs. C'est un réseau de réseaux. Donc, c'est... il y a plusieurs organisations, il y a des centrales syndicales, il y a le Réseau québécois des groupes écologistes qui en fait partie. RQGA. Attaque Québec, probablement, qui en fait partie en tout cas, aussi. Devrait là, donner son mot dans tout ça, parce tout que on sait très bien que depuis la COP21 ou la CDP21, la Conférence des partis de Paris, ben d'après la société civile, en tout cas moi ceux que j'ai rencontrés là-bas, Attaque France, les Amis de la Terre, Friends of the Earth, tous ces groupes qui ont fait une sorte de coalition Action Climat, sont convaincus que les ententes de libre-échange sont beaucoup plus importantes que ces petites conférences de partis qui traitent que de changement climatique, alors que la source, l'origine, le commerce international est beaucoup plus polluant que les solutions qu'on trouve dans les ententes de conférences de convention cadre de l'ONU. Oui, puis en fait les accords comme le partenariat transpacifique viennent miner toute tentative, en fait, de changer à fond les choses afin de lutter efficacement contre les changements climatiques, parce qu'on sait que avec le mécanisme de protection, de règlement des différents investisseurs-États, les entreprises peuvent poursuivre les États qui mettent en place des lois pour protéger l'environnement, pour lutter contre les changements climatiques. Donc, ça vient couper l'herbe sous le pied à une réelle lutte pour maintenir le climat sous la barre des 2 degrés de réchauffement. Dominique Bernier, en terminant, puisque le temps coule, c'est tellement intéressant avec toi, là, je pourrais faire 2 heures avec ça. D'ailleurs, on va demander au Geek Contre-Attaque de nous laisser la prochaine heure pour parler des préchanges ou de cybersécurité, peut-être qu'il serait plus d'accord pour ce sujet-là. En terminant, je voyais justement que le Bloc québécois dans le journal, l'autre journal, disait que, dans le fond, ça aurait été beaucoup plus efficace, même si on n'est pas trop pour le libre-échange ici, là, mais de faire des ententes bilatéraux, comme avec le Japon, c'est 80% du commerce qu'on a dans ce coin-là, si on exclut la Chine. C'est pas mieux d'avoir une entente qui existe déjà, justement, entre le Japon et le Canada, que d'en créer une autre avec 11 autres pays qui, dans le fond, est moins efficace. Ben, ça dépend comment l'entente est faite. Si c'est une entente pour, en fait, une entente de solidarité pour partager les meilleures pratiques et coopérer en vue d'atteindre des objectifs sociaux, oui, ça peut être intéressant, mais actuellement, c'est pas ça qu'on voit, ni dans les ententes bilatérales, ni dans les ententes plurilatérales, malheureusement. En tout cas, il reste deux ans pour mettre une coupe de grains de sable dans l'engrenage de ces ententes de libre-échange. On espère que vous serez consulté, Dominique, avec l'expertise que vous avez. D'ici 2 ans, donc, le gouvernement canadien devrait consulter les groupes pour savoir qu'est-ce que l'acceptation sociale en pense de ça. Puis on vous reviendra avec des actions pour faire pression sur les élus en lien avec le PTP. Oui, surveillez lundi dans l'actualité les faucheurs de chaises, ceux qui ont volé des centaines de chaises en France. Ils passent en cours lundi et supposément ils vont aller remettre les centaines de chaises qu'ils ont volées dans des banques qui travaillent pour non seulement l'évitement fiscal, mais les paradis fiscaux. Donc on verra bien si c'est le genre d'activité qui peuvent se faire ici au Forum social. À plus! Au revoir. Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaquent dans un instant. Ouais, c'est sûr. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet, que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité, c'est du Saint-Doux. Ouais. Puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my God, qu'on est rendu loin! Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy, dans la série qui... À ne pas manquer sur La Fabrique culturelle. C'est aussi une offre qui était unique dans le paysage, c'est-à-dire un orchestre symphonique joue des œuvres avec orchestre. Le club musical, c'est pas ça que ça offre. Ça offre vraiment des récitals, donc des tout petits ensembles, des solistes. Le Club musical de Québec, 125 ans et toutes ses notes. Les femmes se réunissaient déjà dans les salons pour jouer entre elles. Il y avait une culture musicale qui était très présente. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. C'est vraiment une fenêtre ouverte sur le monde. Afin de demeurer compétitif, tout entrepreneur doit s'adapter à un monde en constante évolution. Le copilote réunit sous un même toit des professionnels de plusieurs disciplines désireux de mettre à profit leur expertise.